Chapitre 21. L'entraide dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Allah Ta'ala a dit: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Sourate 5, verset 2. Parle-t-on. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate 103, versets 1 à 3. L'imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, affirme que les gens, voire la plupart d'entre eux, ne méditent pas cette sourate comme il convient. 177. D'après Abu Abdirrahman, Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiallahu anhu, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui équipe un combattant dans le sentier d'Allah obtient la récompense de ce dernier, et celui qui prend en charge la famille d'un combattant obtient la récompense de ce dernier. Al-Bukhari et Muslim. 178. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, envoya une expédition contre les Banu Lahyan de la tribu de Hudayl et dit aux compagnons qu'un homme sur deux parte au combat et les deux seront récompensés. Muslim. 179. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rencontra une caravane à Rawha, entre Médine et la Mecque, et les interrogea: qui êtes-vous? Ils répondirent: nous sommes des musulmans. Avant d'ajouter: et toi, qui es-tu? Je suis le messager d'Allah, répondit-il. Une femme parmi eux lui présenta alors un bébé et demanda: celui-ci peut-il accomplir le Hajj? Oui, répondit-il, et toi, tu en seras récompensé. Muslim. 180. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le musulman honnête à qui fut confié un dépôt et qui distribue en intégralité l'aumône qu'on lui a ordonné de verser et la remet à son bénéficiaire de bon cœur est considéré, au même titre que le donateur, comme ayant fait une aumône. Al-Bukhari et Muslim. 181.